Salut Internet! Allô! Bienvenue à ce troisième épisode de Jason Jeu. Ça va vite, troisième épisode. Eh oui, tant de choses à faire, mais toujours, toujours prêt à répondre à tes questions, à toi, parce que tu nous en envoies. Oui! De quoi... C'est quoi qu'on parle aujourd'hui? J'espère que t'arrêteras pas de nous envoyer. Parce qu'on aime ça que tu t'intéresses à nous, toi, à la maison. Donc, de quoi qu'on parle aujourd'hui, Max? Aujourd'hui, on a un petit sujet relatif à notre jeunesse de gamer. Pour vrai? Ouais, on va remonter dans le passé. Oh, retourne dans le passé. Je sais pas t'as quel âge à la maison, mais nous, on va remonter quand même un peu loin. Ou pas si loin, dépendamment des questions. Ouais. Donc, quelle est notre première question, Max? Première question, en me grattant la moustache. Est-ce que vos parents sont des gamers? Ça nous vient de Jonathan Gaudreau, toujours notre ami de chez l'Entre du Geek. Et sa moustache incroyable. Absolument. Va voir sur sa page Facebook. Oui, on va mettre un petit lien vers lui. Oui, on va faire ça. Ben oui, on va faire ça. On est fin de même. Toi, Max, tes parents sont des gamers? Écoute, moi, mes parents, je le sais qu'ils sont gamers parce qu'ils me l'ont dit. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais vu jouer en tant que tel. Donc moi, j'ai pas de souvenirs relatifs au fait que mes parents étaient enthousiastes, mettons, à vouloir soit aller acheter un jeu ou jouer à un jeu. Mais par contre, quand ma soeur et moi, on était couchés, mes parents allaient se faire des petites compétitions de Super Mario Brothers. Mais je n'ai pas... Ma mère aussi jouait beaucoup à la recherche de Carmen Sandiego sur DOS. À un moment donné, on a eu un IBM Power Color, c'était comme le jeu qui avait installé là-dessus. Ma mère a beaucoup joué à ça. Mon père joue encore, mais plus modérément, je te dirais. Oui? Quelle sorte de jeu? Ben écoute, anecdote. Allô papa. Je sais pas si tu m'écoutes, mais... Allô papa, Max. À un moment donné, il m'a demandé de passer ma PS3 parce qu'il voulait jouer à Assassin's Creed. Assassin's Creed? Parce que tu trouvais ça cool, tu sais, voyager dans le temps, puis toute l'affaire, puis revivre les époques. Mm-hmm. Mais il m'a redonné ma PS3 deux jours après, il disait que ça allait trop vite. Ah, ben, bâtard. Ben, c'est sûr que ça a augmenté la vitesse de jeu depuis Mario. Un petit peu, on est plus nerveux aujourd'hui. Fait que c'est ça, fait que non, je n'ai pas... Oui, mes parents étaient gamers, je n'ai pas de souvenirs à proprement dit là-dessus. Mais c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Steph? Moi, ben... Toi, je sais que tes parents sont assez dedans, là. Ben, ça dépend qu'est-ce que tu veux dire pour assez dedans. Moi aussi, mes parents étaient assez accros à Super Mario, Mario Bros, comme ils disaient dans le temps. C'est ça? Bros, oui, exactement. C'est pas Mario Bros. Oui, la légende veut que... la légende! J'étais pas là, je pourrais pas le dire. Ben, j'étais semi-là, en fait, parce que mes parents se sont achetés une NES pendant que... ma mère était enceinte de moi, en fait. Et ma mère a passé tout son congé de maternité à jouer obsessivement à Super Mario. Il y en a qui sont bien. Oui, et même une fois que je naquis, mes parents étaient encore toujours obsédés par Super Mario. Et pendant qu'ils jouaient, ils faisaient juste m'installer sur eux autres pendant qu'ils jouaient. Puis éventuellement, à force de regarder, de les regarder jouer puis d'entendre des tout, tout, tout, tout, tout, tout. Je tombais endormie drette là. La toune de l'eau, je pense, c'est la meilleure façon de knocker out un enfant. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est bien certain. Mes parents n'ont pas beaucoup continué après l'époque de la NES, par contre. Quand on a été chercher SSX3 chez toi, ton père, il me lâchait école. Uber Combo, je sais pas trop quoi. Il n'y a pas mon père à quoi qui game j'arrive, pas. J'arrive. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que mes parents sont achetés une SNES. C'est quand même drôle que tu dises que tes parents se sont achetés. Ouais. T'sais, ils n'ont pas acheté comme à leurs enfants. Ils l'ont acheté à eux en premier lieu. Oui. Puis après ça, les enfants, ça l'implique qu'ils vont jouer avec. Oui, à peu près. Entre la SNES, ça a été très long avant que mes parents se rachètent une autre console. Mon père jouait sur PC, par contre. Ah! Il a découvert les Elder Scrolls, jouait à Morrowind, un gros fan de Lara Croft, qui est sa deuxième femme. Les jeux de Star Wars sur PC aussi, les Knights of Jedi Academy, Jedi Knight. OK. Ce genre de livres, de jeux-là, qui étaient très fans. Il y avait les vieux puis, aussi, là, c'était des combats spatiaux, le X-Wing, TIE Fighter. Oui, on les avait aussi chez nous. Et ça, mon père aimait beaucoup ça, j'aimais beaucoup le regarder jouer. Après ça, aujourd'hui, mes parents jouent un peu encore, mais ma mère aime. Ça a été un petit peu difficile pour elle. Après Mario, il n'y a pas grand-chose qui l'a accroché. Mais les nouveaux Mario, serais-tu game de... Possiblement. C'est la même mécanique. Peut-être qu'elle serait game. Mais par contre, j'ai rendu ma mère accro au jeu de Phoenix Wright Ace Attorney sur DS. J'ai eu peur que tu me dises Candy Crush. Non, Phoenix Wright, mais... Ma mère, elle, c'est ça qu'elle aime. Elle aime les puzzles, les énigmes, les choses derrière. D'ailleurs, très fan des Professeurs Layton aussi. Ça, je m'en ai l'air. Oui, exactement. Donc, ma mère va jouer sur mes consoles portables après que moi, j'ai fini les jeux. J'y passe. C'est quand même cool. Oui. Pour mon père, il est plus aventure. Il a toujours aimé les Tomb Raider. Donc, lui aussi, il a beaucoup... Lui, il trippe sur Assassin's Creed. Vraiment. Donc, il continue de jouer là-dessus. Donc, ouais, parent gamer, oui. Oui! Pas le choix, tu sais. Je sais pas comment tu peux être initié au monde vidéoludique si tes parents sont pas moindrement intéressés. Souvent t'es exposé aussi chez tes amis. Ouais. Des fois. Des jeux. Parce que moi, pendant longtemps, en fait, mes parents jouaient, mon père surtout jouait. Puis moi, j'aimais ça le regarder. Mais à part de ça, c'était pas. Comme je dis, la NIN puis le Super NIN, c'était pas à moi, c'était la console à mes parents. C'était pas moi qui jouais. Eh bien. Hey, parlant de. Toi, on a parlé de Queen, TIE Fighter et tout, là. Ça n'a aucun rapport, mais moi, c'est rare, ça a rapport. J'aimerais faire un bon jeu avec un joystick. Tu sais, un bon jeu de vaisseau. Ouais. Joystick, tout, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. C'est vrai, hein? Mais ça encore, putain, tu sais, il y a une époque, Microsoft faisait le Sidewinder, là. Ouais, le gros joystick de malade avec le gaz sur le côté, pis tout. C'était ça serait bon que ça revienne, ça. Mais faudrait que les shooters de vaisseau reviennent à la mode, et les shoot'em ups et autres jeux de dogfighting comme ça sont. Écoute, si ça revient en mode, tant mieux, mais ça n'a pas l'air parti pour ça. Moi, je serais preneur. Mm. En tout cas, bref, une question de fait. Une question de fait, question de fait. Ça va bien. Pitch-moi-en un autre. Deuxième question nous vient de Lynn Frenette, aka maman de Steph. Allô, maman, réponds à ta question. Maman? Maman veut savoir. Maman veut savoir. Lynn veut savoir. C'est le segment Maman veut savoir. Comment est née votre passion pour les jeux vidéo et quelle est... Et quel est le premier jeu qui l'a initié? Oh, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Là. Ça, c'est comme c'est un throwback Tuesday. Là. Mmh. E-boy. Toi, ça vient de où? Écoute, moi, je déforme un peu la question pour mieux la reformer par après. J'aime ça. T'aimes ça? Vas-y. Parfait. Je te donne carte blanche. Parfait. Moi, je vais commencer à te jaser de la première console que j'ai eue chez nous. Mmh. Puis vers quoi ça m'a amené à découvrir vraiment le jeu puis à m'accrocher. Vas-y donc. Première console que j'ai eue à la maison, ça s'appelle un Coleco Adam. C'est une drôle de bébite là. C'est comme un ordinateur. Écoute, il y avait genre 46 modules de plugger là-dessus. C'était assez écœurant. Une imprimante, un ordinateur central, un floppy disk avec un clavier, puis deux contrôleurs dessus. On est loin de la console moderne, en fait. C'était littéralement un ordinateur. C'est ça. Ouais, ça s'appelle... En fait, ils appellent ça un Adam Coleco Vision. Fait que j'imagine que c'est la suite du Coleco Vision. C'est très drôle, les jeux, ils étaient sur des cassettes 8 tracks. Wow! Tu sais, quand t'écoutais Backstreet Boys, ta cassette, ben moi, je jouais à un jeu sur cette cassette-là. Et le jeu que je jouais, ça s'appelait Buck Rogers. C'est un genre de jeu astéroïde mélangé avec le jeu du corridor de l'étoile noire dans Star Wars. Fait que le but du jeu, c'est un vaisseau, puis il faut que tu évites des obstacles, puis il faut que tu pètes tous les aliens que ça amasse. C'était quand même cool pour l'époque parce que ça te donnait un genre de sentiment... De perspective qui était quand même intéressant. Je veux dire, écoute, on parle de 85. Là. 85 même! 85. C'est vieux, cette affaire. Ça coûtait une fortune. Là. J'ai regardé vite fait une petite recherche avant l'émission. Là. Sur Wikipédia, on parle d'un prix de départ là, de 700$ US. Fudge! Pour en l'époque. 85! Pour l'époque. Fait que j'avais ça chez nous. Puis j'ai plus ça. C'est pas que j'ai fait. C'est passé. Je sais pas. Puis après ça, ben est arrivée la Nintendo à la maison. Ben oui. Puis là, j'ai commencé avec le même mood jeu que tout le monde, c'est-à-dire le jeu qui venait avec la cassette. C'est-à-dire Super Mario slash Duck Hunt. On parle plus de Duck Hunt. Pour ma part. Moi, j'étais plus fan de Duck Hunt parce qu'il y avait le Zapper. Oh, le Zapper! Il y avait le Zapper. Ça, c'est fun! Gun! T'es écœurant. Le gun orange. Ouais. Fait que moi, j'ai commencé avec Duck Hunt. Puis après ça, ben j'ai découvert qu'il y avait un deuxième jeu sur la cassette. J'ai jamais joué au plus joueur d'argile, d'ailleurs. Ah! Puis après ça, c'est ça. J'ai découvert Mario, puis l'amour est vraiment né là. Ben, plus ou moins. Il manque un petit bout à l'histoire. Oh! Un petit bout de l'histoire? Nous, on était abonnés au Nintendo Power. Oh! T'as comme pas le choix. Pas le choix pour avoir les secrets! C'est ça. Puis, à un moment donné, il y avait dans Nintendo Power un petit coupon qui disait « Envoie-nous le coupon, on va t'envoyer un jeu. » Et ce jeu-là était Final Fantasy, premier du nom. Il donnait ça avec un coupon? Il donnait ça avec un coupon. Ouais? Donnait ça? Avec un coupon. Avec un coupon. Hey, s'il faisait ça avec Final 15. Ouais, sauf qu'ils te font acheter un jeu à 70$ pour avoir juste un démo. Ouais, les temps ont changé. Ouais, les portefeuilles aussi. Donc, c'est ça, j'ai vraiment commencé avec Final Fantasy à aimer le jeu vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, j'ai quoi à cette époque-là? Peut-être 6 ans. Je comprends pas l'anglais. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Je comprends le principe de base. C'est un principe très mathématique. Tu frappes les mi-par des points. Tu te guéris, tu gagnes des points. Je comprends le pattern. Alors que je parle pas l'anglais, je sais pas quoi faire. À part faire des combats. Puis, quand j'ai commencé à faire l'introspection quelques jours sur cette question-là, je me suis dit... J'ai enfin remarqué que ça venait de où mon obsession pour le grinding dans les JRPG. Ça fait du temps que tu savais pas qu'il y avait une histoire à suivre. Exactement. Puis que pour moi, mon plaisir se passait à juste faire des combats pendant 2 heures puis à aimer ça. Hey, quand t'as spoté qu'il y avait une quête, tu devais être vraiment overpowered. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est à un moment donné, mon papa a commencé à m'aider avec la chose. Puis là, ben, on a été livré la petite princesse. Puis on a ouvert le piston pour aller au bord. Puis on a découvert les pirates. C'était bien le fun. C'était bien le fun. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ma jeunesse du jeu vidéo et le jeu qui l'a initié étant Final Fantasy. En fait, je trouve ça désolant un peu aujourd'hui parce que je trouve que la licence est énormément dénaturée. Puis elle commence à être comme dissoute dans ben du mauvais stock. Ben, est-ce qu'elle est dénaturée ou... En fait, moi, ce que je pense, c'est que ils ont trop peur de toujours faire la même affaire. Fait qu'ils essayent des affaires différentes. Mais en même temps, ils ont peur de faire trop différent. Fait qu'ils changent pas les choses qu'ils devraient changer, mais ils changent les choses que les gens aiment. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme un... Peut-être pas un bon feedback qui se fait, peut-être. Peut-être. Puis quand ils font un jeu qui ressemble à Final Fantasy, ils changent le nom. C'est Bravely Default. Meilleur exemple. C'était supposé être la suite à Four Guardians of Light. Oui, je pense. Puis ils ont décidé de changer le nom parce qu'ils trouvaient que ça faisait trop old school Final Fantasy. En tout cas, ça, c'est la légende. La légende. Qui dit ça? On n'est pas dans le secret des dieux. Steph? Oui? Raconte-moi. OK, bon. Ben premièrement, j'ai parlé un petit peu plus tôt comme quoi que moi, les consoles rétro, NES, c'était pas à moi. C'est pas moi qui jouais. C'était mes parents. Et donc, pendant très longtemps, comme ça, j'avais des amis qui jouaient à des jeux vidéo, puis j'aimais les regarder. D'ailleurs, c'est peut-être que là que vient mon intérêt pour les let's play parce que j'aime profondément regarder des gens jouer à des jeux vidéo. J'aime ça. Et à un moment donné, mais je suis pas mal plus vieille là. Je suis l'époque de la SNES est bien passée. Mon vieux chum Gabriel Delambreux arrive chez nous. Salut. Avec Allo Gab. Arrive chez nous avec sa nouvelle console et son nouveau jeu sous le bras. Oh. Son GameCube avec Super Smash Bros. Melee. Oh. Et il m'arrive, il fait comme ça, oh mon Dieu, c'est le meilleur, gars. Le meilleur Smash Bros. Le meilleur Smash Bros. Tant pis pour toi. M'arrive avec ça et me dit comme genre, hey, veux-tu jouer? Je suis devenue accro. Je voulais plus y redonner la manette. J'avais trop de fun avec ça. Il a été vraiment gentil. En fait, il m'a même passé son GameCube puis ses jeux pendant plusieurs semaines par pure générosité. Gab, merci. Merci. Gab, c'est grâce à toi que j'ai une partner pour passer la manette. Et il m'avait passé, il y avait dans toute sa collection de jeux, il y avait évidemment Super Smash, il y avait Star Wars Rogue Leader qui était tough, mais qui était le fun, mais que j'étais pas capable de battre parce que c'était dur. Mm. Le Legend of Zelda Wind Waker qui a été mon premier Zelda que j'ai joué pour moi-même. Vrai? Oui. Et c'est lui qui me l'a passé, puis qui m'a même aidé à le battre, on était ensemble. Mais surtout, Super Smash, oh mon Dieu, quand il m'a passé ça la première fois, j'ai passé 3 jours obsessivement à pas manger, pas dormir, pas me laver. Je faisais juste jouer obsessivement à comme 1 mètre de la télé comme ça. Je lui ai redonné son jeu. J'avais tout débloquer les trophées, j'avais débloqué toutes les personnages, j'avais tout fait. De là me vient peut-être mon petit côté complétionniste. Oh! Oui, je crois que Madame 100%. Oui, je suis Madame 100%. C'est d'ailleurs, dans le dernier Jason Jeu, on a parlé des choses qui nous font peur. Ouais. J'ai pas parlé de ma grande peur de jeux vidéo, la peur de manquer quelque chose. Manquer un item, manquer une quête, pas avoir le meilleur ending me rend folle. C'est je complétionne, moi là il faut que ça soit. Si je pouvais faire un 100% shot à chaque fois, je le ferais. Des fois malheureusement il y en a certains qui c'est plein de jeux que tu peux pas 100%er la première fois, faut que tu le refasses. Ouais. Ça des fois je trouve ça comme genre laisse-moi l'avoir 100% parfait la première shot. Mais bon, je peux comprendre pourquoi ils le font pas. Ouais. Donc, ma passion pour ces jeux ne furent pas ignorées par mes parents qui m'ont fait le cadeau. Ben, à moi et techniquement ma sœur, mais c'était clairement moi qui jouais plus. De ma propre GameCube, qui a été ma première console à moi. Était quelle couleur? Mauve gomme ballon! Comme de la... Je veux dire, là, la Hubba Bubba, là, couleur mauve Hubba Bubba. La gomme. C'est là qui est comme en maître long. Oh, crème! C'est la gomme au raisin, là. Ouais, ouais. L'affaire que tu déroulais comme du scotch tape. Comme du scotch tape, oui. Hey! Et on parle de notre enfance. Bon matin. Oh, donc oui, moi, le GameCube, c'est ma première console. La console où tous mes premiers amours sont faites. Et à l'époque, on louait encore des films au club vidéo, des jeux au club oui. vidéo. Et je me rappelle encore aussi, je suivais sur Internet jeuxvideo.com. Et ça, c'est vieux. Il y avait Internet à l'époque. Internet à l'époque. Ça existe encore, jeuxvideo.com. Pour vrai? Oh, ouais, attends, toujours. Écoute, je sais qu'il m'envoie... Ben, c'est vrai, il m'envoie un vœu de bonne fête à chaque année. Te rappelles-tu que tu pouvais télécharger l'État Vigie sur une disquette? L'État Vigie, c'était le répertoire de toutes les solutions de jeux vidéo qu'il y avait. Ça rentrait sur une petite disquette 3.5. What? C'est écœurant. Wow! Ouais. Mais pourquoi faire ça? Ben écoute, j'imagine que... Ah, mais c'est un peu plus vieux que ça, par exemple. Okay. C'est un peu plus vieux que la GameCube, mais le trip, c'était de tout mettre les solutions sur ta disquette. Ouais. Comme ça, si tu allais chez un ami qui n'avait pas Internet, tu vas mettre ça dans son ordi, tu vas avoir accès à la solution. Je pense pas qu'on pourrait faire ça avec toutes les solutions de tous les jeux aujourd'hui avec une disquette. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. À l'époque, ça marchait. Mais bon, sur jeuxvideo.com, je checkais les nouvelles et... C'est là que j'avais vu un article sur un nouveau jeu qui s'en venait. Puis là, les images m'ont tellement frappée parce que je trouvais que c'était tellement coloré, brillant, avec un décor incroyable. Je me suis dit, je veux, aussitôt que ça sort, aller me louer ça. Tout le contraire des jeux de Super Nintendo. Tout le contraire des jeux de Nintendo 64. Oui, absolument. Qui étaient grisâtres et... Oui. Mais ce jeu-là était Baten Kaitos. Et, oh! Hey, j'ai tellement entendu parler de ce jeu-là. Ouais, c'est... J'ai jamais joué à ça. Pas grand monde le connaît. C'est un peu... il a passé dans le beurre, premièrement, parce que c'est un JRPG exclusif au GameCube. Puis malheureusement, le GameCube a été un peu l'enfant pauvre. Il a dû se battre contre la PlayStation 1 ou 2. Oh mon Dieu, là, si je me prononce, je vais me faire détester. Je pense que c'est la PlayStation 2. Je pense la 2, puis le premier Xbox. Puis évidemment, contrairement aux autres, ben, ils fonctionnaient les spécificités différentes, donc il y avait des jeux bien exclusifs. Puis malheureusement, le GameCube, je sais qu'il n'a pas pogné autant que PS2, Xbox, évidemment. Mais moi, c'est ce que j'avais, puis là, quand je l'ai vu, ça a été mon premier JRPG. Un JRPG fait par Namco Bandai, qui aujourd'hui est surtout connu. Font les Tales. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est que aussi la musique de Baten Kaitos est composée par Motoi Sakuraba, qui fait aussi la musique des Tales. Oh! Donc, moi, à chaque fois que, éventuellement, quand j'ai embarqué dans la série des Tales, moi, je me sens chez nous parce que j'ai l'impression de rejouer à Baten Kaitos, d'être dans la même famille, la même un peu facture visuelle, un peu les mêmes personnages. Dirais-tu que c'est un hidden gem? Moi, je dirais vraiment que c'est un hidden gem. Ouais. C'est un hidden gem d'une console qui a été un petit peu... je dirais pas mal aimé, parce que je pense que tout le monde est capable de s'entendre qu'il y a eu des très bons jeux sur la GameCube. Ouais, mais fallait que t'aies la GameCube pour l'avoir. Mais fallait que t'aies la GameCube pour l'avoir. Puis, la GameCube a quand même eu certains problèmes d'image avec le premier Zelda qu'ils ont fait, que tout le monde s'attendait à ce que ça soit un Zelda réaliste, gritty, sérieux, pour que ce soit vraiment un jeu d'adulte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Link Cartoon. Aujourd'hui, on réalise à quel point c'était parfait, parce que encore là, aujourd'hui, Wind Waker, il est beau. Même avec pas HD, il est beau pareil. Mais à l'époque, les fanboys se sont révoltés. Moi, je l'aimais beaucoup, puis encore, ça reste mon Zelda préféré. Mais il y a bien des affaires comme ça que la GameCube, à l'époque, je pense, c'est peut-être fait regarder un peu de haut comme étant enfantine. Comparé mais en même temps, à PS2 et au Xbox. T'achètes pas une console de Nintendo dans l'optique que t'achètes une console de hardcore gamer. Non. C'est pas la prétention que j'en ai. Non. Une console de Nintendo, ça a toujours été, ça restera toujours une console de famille. Oui. Avec avec le gameplay avant tout. Oui. Fait que. Gameplay simple, quelque chose de accessible. Quelque chose de le fun. Pis c'est des jeux qui vieillissent bien. Oui. J'ai remarqué ça sur le tard, là. Mm-hmm. Mais une manette de Wii, c'est à renverse, c'est une manette de NES. Oui. T'as AB avec tes flèches. Oui. Je veux dire, il y avait le modèle de manette parfait dès le début. Oui. Puis on est revenu à ça aujourd'hui. Mm. Mais je trouve aussi que la manette de GameCube. Moi, c'est ma manette préférée. C'est la meilleure manette. Il y a une couple de petites affaires un peu étranges. Le fait que les joysticks sont pas sur le même axe. Moi, c'est ça. Et le fait que t'as deux triggers d'un bord, mais un trigger de l'autre, c'est un peu étrange. Puis Z, dans mon souvenir, était beaucoup trop dur. Ouais. Z2 pesait sur Z. Il était très petit aussi, donc c'était facile de le manquer. Ouais. Mais je trouve que, mais à part de ça, elle est tellement confortable dans les mains, elle fit bien dans les mains. Moi, je trouve que je l'aime, mon GameCube. Mon GameCube, c'est ma console doudou. C'est là que tous mes jeux doudou sont. Ouais. Puis je l'aime. Mario Sunshine était bon. On finit là-dessus. Oui. Oh! T'as déplugué la chose, c'est correct. Est-ce qu'on a besoin? Non. OK, good. Dernière question. Dernière question. Qui nous vient de Cédric Duquette. de retour vers le rétro. Hey, j'espère que tu l'as eu. Excuse-moi, je suis allée là. T'as été là, toi? Eh oui. Donc, bonjour, Cédric. Allô? Qu'est-ce qu'il nous demande, J'espère Cédric? Que ça va bien. Oui. J'attends ta réponse. Oui. OK. Si vous aviez le droit de refaire, je recommence. Moi, j'ai de la misère à lire, OK? J'imagine que tu t'en es rendu compte. T'as dû écouter l'esprit de Zelda. Je suis pas le meilleur narrateur de l'univers. Mais t'as d'autres qualités. Oui, c'est vrai. Alors, si vous aviez le droit de faire un remake 3D d'un jeu rétro, ce serait quoi? Ben, moi, j'ai une réponse. Ben... Puis, je pense que tu vas être bien d'accord avec moi. Final Fantasy VI. Ou le 3, c'était mieux. Oui, le 3 américain. On va dire Final Fantasy. En tout cas, ben celui avec Terra. Il dit jeu rétro, donc on n'a pas le choix de dire 3. On n'a pas le choix de dire 3 parce que il est sorti en cassette ici, c'était 3. Ouais. Donc, on n'a pas le choix de dire 3, pas de dire 6. Je vais dire Final 6 pareil. Moi, j'ai dit 3. Final 6/3. Ouais. Pour la scène d'opéra que je voudrais entendre voice acter. Mais en fait, ce jeu-là mérite un voice acting complet. Oui, absolument. Puis je me dis, déjà, il est tellement cinématographique pour un jeu en 16 bits. Mm. C'est incroyable. Je me dis, s'il faisait ça en 3D, ça serait incroyable. Ça serait il y avait, beau, là. Quand la Nintendo 64 est sortie, il avait fait un tech démo avec Final Fantasy 3 où il avait modelé Terra et Shadow en 3D. Puis il faisait un genre de combat qui était dirigé. Oh, ouais. Là, c'était, hey, pas, pas ça. C'était pas. C'est sur les interwebs. Tu peux aller regarder ça. Mais on va checker ça après qu'on a fini d'enregistrer ça. Gars, si jamais on y va pas après, tu iras écouter notre émission. Oui. Hein? Mise en abîme ici. Mise en abîme, oui. Puis tu cliqueras sur le lien que je vais mettre comme là. Oui, parce qu'on s'écoute quand on fait nos vidéos. Non. Après. Pas vrai. Oui, c'est vrai. On est narcissique comme ça. Mais on n'est pas narcissique, on est autocritique. C'est vrai. Moi, je me réécoute pour m'améliorer. Oui, c'est vrai. Hey, mais pour revenir au voice acting de... Hey, mais ça me fout un peu la chienne, ça, parce que Kafka... Kafka, dans ma tête, c'est l'homme le plus dément de l'univers. Puis j'aurais peur que le voice acting ne soit pas à la hauteur de la démence que j'imagine. Je peux comprendre ton inquiétude, mais j'ai une solution pour toi. Mark fucking Hamill. Arrête de dire fucking. Oui, je m'excuse. Mark freaking Hamill. C'est-tu mieux? Oui, okay. J'aime ça. À cause de Joker? Oui, parce que oui, Mark Hamill n'a pas seulement été Luke Skywalker. N'a pas seulement été poche dans le rôle de Luke Skywalker. Hey, tu commenceras pas ça ici devant la visite. Devant la visite? Ils sont en visite chez nous? Ben c'est ça, ils sont en visite. Fait que tu commenceras pas de ça devant ces visites. Gars, on peut pas embarquer là-dedans, non, ça finira plus. Non, c'est un autre débat, Mais bref, Mark Hamill a... et la voix du Joker. Fait que s'il y a bien quelqu'un qui est capable de faire dans un les clown animés, dans, oui, dans les dessins animés. Les jeux vidéo aussi, c'est Mark Hamill qui a fait la voix du Joker pour dans les Arkham, Asylum, c'est lui. Oui, c'est puis mon Dieu, il est incroyable. Il est fou braque, il est malade, il est tellement... Pour quelqu'un qui a été le plus connu pour faire un goody-goody two-shoes héros, il est vraiment bon pour faire des vilains, en fait. C'est un peu étrange, mais je pense qu'il serait incroyable pour faire la voix de Kafka. C'est vrai. Il serait parfait. Ouais. Mais ce jeu-là, ça mérite tout de libérer son potentiel en 3D. Là, sur le bout de l'île flottante, là, tu sais, l'animation qu'il y avait pour monter sur l'île, c'était complètement épique. La chute où Sabine, il se bat là, en descendant dans la chute. Oh mon Dieu. Ah! La scène où est-ce que Céleste elle contemple le suicide parce qu'elle est pognée sur une île déserte et que Cid... Quand tu sauves pas Cid, là... Quand tu sauves pas Cid. Oui, ça, j'y croyais pas au début. J'ai rejoué le jeu pour le voir. J'étais sûr que c'était comme hacké. Mais non! Elle essaye pour vrai. Ouais. Ben, il change un petit peu dans la traduction nord-américaine pour que vrai? Ça n'ait pas vraiment l'air qu'elle se suicide, là. ça dit plus comme genre « Ah, oh, je veux me sauver, je vais essayer de voler. » Mais c'est clairement juste comme « Je suis plus capable, je vais mourir ici, autant prendre ça entre mes mains. » Mais, mon Dieu, juste la scène du début, là, tu sais, là, avec les... dans les mecs, là, tu sais, là, qui se promènent, c'est là. C'est vrai, c'était cool, ça. Ben, moi, la première fois, j'ai vu ça, puis c'était récent, là. Je l'ai joué sur émulateur pour revivre ça. Quand j'ai... Début du jeu, j'ai fait ça, j'étais à terre, je faisais « Mon Dieu, ils ont fait ça en 16 bits! » Tellement ambitieux, ce jeu-là, c'est incroyable. Il mériterait vraiment. Arrêtez, fanboys, de demander un remake de Final 7. Demandez un remake de Final 6. 3. 6. 3, là, mais ça sert à rien d'avoir dit 6. 6/3. Bon, parfait. Mais oui, aussi, moi, dernière scène qui m'avait marqué dans ce jeu-là, c'est la shot que t'as ton airship. En fait, c'est la première fois que tu vas voir Caesar. Ouais. Puis là, tu t'en vas voir l'Emperor du Gaulle. Oui. Comment il s'appelait? Je me rappelle plus. Galui. Puis là, tu vois comme... Tu sais, plus t'avances, tu vois comme le château s'élever. Ah, c'était magnifique. Ah, mon Dieu. Avec le coucher de soleil, l'eau est un petit peu mon ventre. C'était parfait, ce jeu-là. Ouais. Sérieux, j'ai le goût de le let's play. Ah, ouais? J'ai vraiment le goût. Ça pourrait être un... Je l'ai sur SNES. Ça pourrait être un let's play. Cool. T'aimerais-tu savoir ça? En tout cas, moi, j'aimerais ça le faire en Ça pourrait être un beau petit let's play rétro à faire. Ouais. Mmh. Parce que t'aimes ça, toi, le rétro, ça a l'air. Oui. Si je regarde les statistiques, je me rends compte que t'aimes ça, le rétro. Mm-hmm. Fait que guide-nous donc un petit peu dans nos choix. Tu n'en rejaseras. Mmh. Ouais, tu nous jaseras jeu. Oui, absolument. Et je pense que sur ça conclut pas mal nos questions. Je pense que oui, c'est tout ce qu'on avait. Donc, on va faire le tour rapidement. On va remercier les gens qui nous ont envoyé des questions. Oui. Merci Jonathan Gaudreau de l'Entredu Geek. Oui, donc vous pouvez aller voir le site internet www.lentredugeek avec le L, sinon ça marche pas. Mm-hmm. Puis sur Facebook, on va facebook.com/entredugeek. Ne mets pas le L, parce que ça marche pas. En tout cas, on va mettre les liens. Oui. Juste ici. Juste là. Bon, c'est moi qui décide quand je vais le monter. On remercie aussi maman de Steph, oui. Lynn Frenette. Merci maman pour tes questions. Ouais. Merci de nous encourager. Écoute, as-tu quelque chose sur Internet, ta mère? Ma mère, non. Non? Non. Parle-moi donc de sa soupe. Ma mère, c'est la reine de la soupe. Elle fait la meilleure soupe poulet et nouilles du monde. Sa minestrone ne laisse pas sa place et sa soupe bœuf et orge est quelque chose. Oh, donc maman de Steph, c'est la queen de la soupe. La queen de la soupe. Queen de la soupe. Puis sa lavagne, elle, est-tu pas pire? Elle est pas pire pour toutes. Sais-tu, regarde, il y a deux écoles de pensée, ça, à lavagne. Ouais. Parce que là, ça fait pas 40 minutes encore. Moi, j'aime ça quand ça fait 40 minutes. Oui. Il y a deux écoles de pensée sur la lasagne. OK, j'étais pas au courant, mais bon, vas-y. Bon, il y a la lasagne multiple étage. Ben ouais. Genre infini, genre sky is the limit. Puis il y a la lasagne deux étages. Tu sais la lasagne plate au primaire, là, qui avait comme sauce, pâte, fromage jaune, puis il coupait ça carré pour délimiter le fromage? Ta mère est de quelle école? Genre combien d'étages? Trois étages. Je trouve ça un peu cheap, maman. Ben, c'est bien en masse, puis ma mère, en fait... Mais en fait, trois étages... Elle est généreuse sur le fromage dans la lasagne. Ah, le fromage cheese. Oui, le fromage cheese. Elle en fait-tu dans le milieu puis sur le top? Oui, dans le milieu puis sur ça, le top. Ça, c'est chill, parce que quand tu coupes ta lasagne, ça tient. Oui, absolument, c'est ça le secret. Fait que maman à voir dans une cuisine près de chez vous... Oui. Si le moment on fait un événement, on demandera à ta mère absolument. De faire un petit plat de bouffe. Oui, on fera ça. Et on remercie aussi Cédric Duquette. Oui. De Retour vers le rétro. Merci, man. Oui. Vraiment. Fait que monsieur Duquette, tu peux le retrouver sur sa chaîne YouTube. Merci beaucoup, Retour vers le rétro. Tu cherches ça sur Internet, mais encore là, je ne manque pas aussi. À quelque part. Puis sur Facebook aussi. Ben oui. Va lui lâcher un petit coucou. Ben oui. Dis que qu'on t'envoie. On t'envoie en reconnaissance. Si t'aimes le rétro, en fait, c'est sûr que tu vas mettre ta chaîne. Oui, puis absolument. Steph a été faire un petit live avec le dit monsieur. Vous avez joué à DuckTales. Oui, on a joué à DuckTales. On a eu beaucoup de plaisir et d'agrément malgré ma pochitude. Ouais, mais ça fait juste forger une meilleure personne. C'est vrai. T'as forgé une meilleure... Oh, manque des mots. Manque des mots, mais c'est pas grave. Il est tard. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour le prochain Jason Jeu, est-ce que tu as des questions pour nous autres? Oui. Écris-nous ça dans les commentaires ou envoie-nous un petit message sur la page Facebook de Passe-moi la manette. On est toujours ravis d'avoir des idées de Jason Jeu. Commentaires, suggestions, on est toujours ouverts à pas mal n'importe quoi. Ouais. Puis on plug ta chaîne en plus. Oui! On est fin de même. Oui. Nous, on redonne on est swell à nos fans. Eh oui. Hey, sur ce, prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. Et sur ce, à la prochaine. Salut, là!